trou se glisse dans la foule de paroles. Charge à ciel ouvert où tous les rebuts de ce qui fut autrefois l'Europe s'amoncellent jusqu'aux côtes. Des déchets ménagers, les masses de la surproduction sur lesquelles poussent parmi ces collines faites tout entières d'immondices, des forêts de fougères, des arbres aventureux qui ont regagné leur droit de cité. Ici vivent les laissés pour compte de la défunte Europe, des enfants, des vieillards, des dégénérés, des êtres contrefaits, des maltronches à ne plus savoir qu'en faire. Et ici, les sociétés, les filiales de l'Institut Fuller veille à ce que tout soit en ordre dans ce ordre tout entier d'apparence brûle, relâchant des fumerolles nauséabondes ce que délaisse la société alentour. J'ai trouvé mon refuge. Derrière un vieil immeuble, à la façade devenue familière, d'un bleu éteint par les salissures, les chiures de mouches qui se sont amoncelées. La terre et l'humidité qui rongent les bois des huisseries. Derrière les portes entrebâillées, Je veille comme chaque matin dans ce qui est devenu mon mausolée, moi le corbeau, à déposer quelques fleurs, des fleurs magnifiques qui poussent dans cette mer d'immondices. Les enfants que j'ai accueillis dans mon orphelinat de fortune se sont habitués à me voir disparaître, quitter les hauteurs de ma tour. Les hauteurs de ma tour pour rejoindre ce sanctuaire où je vais seul et personne n'est en droit de me suivre. Je veille à les occuper les uns et les autres et je leur confie parfois cette tâche saugrenue que de cueillir quelques brassées de fleurs pour que coupées elles égayent l'entrée du sanctuaire. Je ne me souviens plus quand je suis arrivé ici. Je ne me souviens plus quelle fut ma vie avant. Je ne veux pas me souvenir. Je me souviens des bruits des moteurs, des bruits de la ville, de cette ruche trépidante qui bouffe nos vies. Je me souviens de la souffrance et de la faim qui s'y installe. Et comme d'autres fois, j'ai demandé à Axel cette maltronche qui est venue nous rejoindre. Dont la tête est ornée de bois, qu'elle tente tant bien que mal de dissimuler dans son vieux bonnet tout élimé. Elle a rejeté la plupart des oripeaux de ce temps d'avant, ce temps qui agite encore la cité. Mais j'ai bon espoir de lui avoir ménagé un avenir, puisqu'il modeste, dans ce que je souhaiterais appeler une communauté. Nous sommes les mémographes de nos vies passées. Et la sienne pourrait-elle encore s'accomplir avec son corps de fin? Elle serait, sitôt qu'elle quitterait le marais, elle serait prise en chasse par les pièges hommes, les ours. Je crains de lui avoir donné quelques faux espoirs, l'espoir de pouvoir vivre libre dans le Wonderland. Et en fait, cet espoir, je l'ai moi-même perdu. noyée dans l'oubli qui narre maintenant l'entrée du sanctuaire. Et c'est elle qui maintenant, quotidiennement, vient fleurir pour moi l'entrée du sanctuaire, sans qu'elle sache véritablement pourquoi, sans qu'elle sache pour qui sont ces fleurs. Le donner à la personne à qui tu confies ce bienfait en expliquant en quoi il consiste, en quoi tu transformes ce qui est pour moi le corbeau, une souffrance. Et qui pour toi serait un bienfait. Que le fait de vivre ainsi dans la tourbière, à devoir manger les rebuts de la ruche, te cacher du regard de ceux qui viennent déverser leurs immondices pour qu'ils ne fassent pas de toi leur proie ou une bête de foi. Est-ce pour toi une souffrance? As-tu trouvé auprès du corbeau, dans la tour et dans la communauté, quelque chose qui te donne espoir? Espoir en un futur pour toi et ceux qui t'accompagnent? Ce n'est pas généralement une souffrance pour moi. Parce que je sais que je n'ai pas le choix, donc ça ne sert à rien que ce soit que je prenne ça pour une souffrance. Parce que si je le considère comme cela, ma vie sera une souffrance. Donc, je considère pas ça comme une souffrance. Je t'ai dit, mais sans y mettre peut-être la conviction que j'aurais souhaité qu'il est un vieux champ de Touareg, ces nomades de zones désertiques, loin au sud, qui dit qu'il faut faire de sa plainte un chant d'amour pour oublier que l'on souffre. Et peut-être que il t'en est resté quelque chose. Peut-être que je ne t'ai pas condamné à cette vie étriquée et que tu y trouves un espace de liberté. Que tu aimes cette vie aux abords de la forêt où tu peux trouver de quoi manger sans souffrir le regard des gens de la rue, à tel point que tu l'as même oublié. Peut-être que tu considères maintenant les pieds jaunes comme un mal nécessaire pour rompre la monotonie des jours. Un moyen de compter les jours, les séparer les uns des autres. Que le reste du temps, tu n'es que toi-même libre dans l'espace entre les fougères et les troncs. Que personne ne vient à te demander quoi ou qu'est-ce et que tu es en quelque sorte libre. Autour des bâtiments que nous avons investis, nous avons développé toute une série de rituels pour nous protéger des incursions des piégeons. Des séries de petits sons, des jets de boulons que l'on lance parmi les immondices pour avertir la vigie de notre approche, pour fermer les portes derrière nous, pour qu'aucun de ces émissaires des Ouros ne nous trouvent, ne nous dérobent à la communauté. Mais peut-être que ce que j'ai au fond du cœur, c'est le sentiment que ce temps qui, quoique émaillé de petits événements, de grandes peurs, de jours, est un temps passé à foyer dans la terre et la boue. Arrive à leur fin. Le président, qui était caché parmi nous, n'est plus dans son sarcophage. Dès lors, ceux qui l'y ont placé pour mettre une marionnette à sa place chercher à le trouver. À un moment, il y a eu des discussions entre tous les membres de la communauté sur ce que l'on devait faire de ce président. Et moi, le corbeau, celui qui fait figure d'ancien parmi nous, celui qui réfugiait derrière ses montures, ses lunettes à monture d'écaille d'un autre temps. Réfugié dans ses livres, à l'intérieur du bâtiment, lissant sa barbiche et coordonnant les efforts des jeunes gens qui gravitent autour de moi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai qu'une certitude, c'est que tôt ou tard, on nous enverra les Ouros. Tôt ou tard, ils viendront vers nous. Tôt ou tard, ils nous enverront autre chose. Ils nous enverront quelque chose. Ils nous enverront je ne sais quoi. Mais le temps de la souciance n'est plus. Maintenant, nous devons nous préoccuper de trouver un sauf lieu, un nouveau refuge. Et quand je te regarde, quand je vois tes jolies voix, ta frimousse qui s'agite lorsque la brise apporte l'odeur du bois, puisque dans notre vieil immeuble tout moisi, je pense à tous les obstacles, à toute la distance qu'il conviendra de parcourir, loin des regards d'Ouros, loin de la menace de la ruche, pour trouver un endroit où tes bois ne feront pas de toi une proie. Et je voudrais pas que, justement, tu en viennes à songer à renoncer à ta condition. Parfois, je sens que ce qui émerge en toi te pèse. Cette lente transformation, ce bois qui te gagne, cet animal qui naît en toi. J'ai pas su lui donner un refuge sûr. Maintenant, il va falloir trouver le moyen de nous éloigner de ma vieille maison pour trouver un lieu où on ne questionnera pas ton apparence. Et il y a eu combien de d'enlèvements cette année? Trop nombreux. Bonjour. Je suis heureux que tu ne te souviennes plus de combien nous ont quittés. Parfois l'oubli est salutaire. Il nous permet d'aller de l'avant. C'est justement à cause de ces disparitions que je ne veux pas me faire des amis, mais bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce que tu veux? Ton ami? Oui, à part toi. Mais j'ai pas le choix avec toi. Pourquoi? Non, rien. Et t'as vu? J'ai un loup. Wouah. C'est ça. Bientôt, tu vas tous nous manger. Bah non. Je vais pas vous manger. Apprends à manger de l'herbe. Voilà, je mange de l'herbe, moi. Oh, un loup végétarien. Bah oui, ça existe. C'est possible, ça? Ouais, vu qu'il est humain, c'est un peu plus probable. Bah non, je suis un loup. Les friches d'Utrecht, c'était le projet à l'origine. Le gouvernement de la cité avait choisi de déposer les rebuts radioactifs alentours du trèfle. Il y eut tellement de détritus que désormais tout le Wonderland en est constellé. On dit que ce dont tu souffres ne sont que les conséquences de tous ces déchets amoncelés sur les côtes de l'Europe. On ne peut pas t'ôter tes voix, ils sont visibles et ils le demeureront. Cela fait partie de toi. On ne peut pas faire une opération. Et il nous faudra quitter. Juste un livre. Et en même temps, comment pourrions-nous semer ceux-là même qui ont l'idée de placer le vrai président de l'Assemblée de l'Europe dans un vieux sarcophage au cœur du Wonderland? Comment pourrait-on croire qu'il l'oublie totalement et qu'il ne s'inquiète pas qu'il ait été découvert? Nous sommes devenus des témoins gênants. Je redoute chaque jour que ce ne soit pas les fleurs que tu déposes, mais de voir arriver au matin les tueurs qui seraient envoyés sur nos traces et qui auraient pour seule mission de nous éliminer, de nous faire taire définitivement. Qui viendrait à gaz. Bah à gaz. Les gaz. Les tueurs à gaz. À gage. Ah, ça a dit comme ça. Mais c'est une quelle espèce? Peu bah, importe. Dès qu'ils viendront. C'est sûr que s'ils nous tuent, ce ne sont pas des grosses. Pourquoi? Ils préfèrent nous sacrifier sur leur territoire. S'amuser un peu avec nous. Nous garder définitivement. Il y a eu une recrudescence de pièges à hommes ces derniers temps. Et les brumes et les pluies acides m'inquiètent également. Mais toi, tu n'as aucune chance de te faire capturer. Si c'est les Ouros qui les fabriquent. Pourquoi je n'ai pas aucune chance d'être capturé? Enfin, tu ne les intéresserais pas. Si tu as une information quelconque, ou tu es un des rares humains. Vous seriez tous condamnés alors que moi je vous ai proposé ma protection. Non, je n'ai pas dit ça. Mais si, c'est bien cela. Non, pas dit ça. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est bien cela ma souffrance. C'est de savoir que j'ai, en ne vous prévenant pas assez des dangers que présente la zone, de ce que pouvait être ce monde, j'ai manqué à mon devoir. Je ne suis pas le bon gardien. Non, un papillon. C'est... Je ne suis pas le protecteur que vous étiez en droit auprès de... duquel vous êtes réfugié. Si, tu es une bonne personne. Tu sais combien de fois par jour tu nous avertis du danger Dis-moi. Combien de fois par jour tu nous interdis de sortir dehors parce que les pièges à hommes sont trop près? Combien de fois par jour tu nous montres beaucoup d'affection? Donc, ça fait de toi une bonne personne. Un bon protecteur. Alors, il faut que je trouve le moyen. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à nous protéger que tu es forcément mauvais. Que tu es forcément mauvais. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut rien faire. Et on est trop jeune pour être occupé. De manière. Il y a un papillon. Il y a un papillon. Quoique. Mais bon. Il y a un papillon. Généralement, les jeunes chimères sont gardées. Donc. Là, il y a un papillon. Arrête, s'il te plaît. Mais il y a un papillon. Je sais, tu l'as dit 36 000 fois. J'ai trois tuyaux avec. Vas-y. Ouais. Souviens-tu du nombre incalculable de fois où j'ai parlé de la femme sans ombre? J'en ai parlé. Non, moi je me souviens plus. J'en parle sans cesse. Je peux me résoudre à voir les nuages. Ces nuages. Se déverser dans les eaux de notre tourbière. Autrefois, la femme sans ombre dressait la nue pour nous. Elle nous protégeait. Elle nous protégeait de ces pluies qui rongent les corps et les esprits. Comme l'a si bien dit Axel, je suis impuissant, je ne sais pas dresser la nuit. Soit tu considères que ce que je t'ai dit ne t'atteint pas et tu le déposes là, soit tu le transformes en bienfait et tu exprimes en quoi. En quoi on pourrait en faire une force? À ma connaissance, c'est la seule qui savait dresser la nuit. Mais peut-être que l'un de vous... Allez, j'arrête. Pourrait le faire à sa place. Je sais que tu peux reprendre la valeur. Je sais pas quoi dire. Mais il faut. Pour l'instant, t'as rien, donc t'es obligé de parler d'une souffrance. J'ai ça. Non, j'ai rien. C'était le même qu'on a prolongé. T'es sûr? Ah, ok. Bah, du coup, je le repose. Hop, voilà, à toi. T'as peur des papillons? Le papillon, il est parti, mais à chaque fois que je le vois, je tourne la tête, il est plus là. Mais c'est à chaque fois le même. Pourquoi il part tout le temps? On dirait un fantôme. Et en plus, je peux même pas l'attraper quand je sais, bah. Bon, pas rien. Il part parce qu'il a peur de toi. Mais c'est normal. Mais il n'a pas peur de moi. Si je veux jouer avec lui. Oui, mais lui, il ne comprend pas forcément. C'est la nature. Je lui ai dit. Il peut pas. J'ai juste envie de jouer à ce mouton avec lui. Il peut pas te comprendre, il était trop grand pour jouer avec lui. Ne t'inquiète pas, c'est normal. D'accord. Il ne faut pas que tu te tracasses pour ça. Allez, va retourner jouer. Et t'éloigne pas trop. Mais je m'ennuie tout seul. J'ai pas envie de jouer, moi, en tout cas. Va trouver un ami. Tu t'en trouveras plein. Qui s'ennuie, comme toi. Hé, hey, les gens, vous voulez être mes copains? Les gens. Pas comme ça. Lève-toi, va vers quelqu'un et dis-lui est-ce que tu veux jouer avec moi? Est-ce que tu veux jouer avec moi? Non, pas moi. Quelqu'un d'autre. Je t'ai dit que j'avais pas envie de jouer avec toi. Oh, c'est triste. Tu sais que j'aime pas trop jouer. Mais la dernière fois on avait joué. Oui, mais c'était une exception. Pourquoi? Parce que je voulais te faire plaisir pour une fois. On s'est bien amusé. T'as rigolé, en plus. Oui, mais j'ai pas envie, cette fois. Mais c'était bien amusé. Ah oui, c'est toi qui dois le faire. Vas-y, fais-le. Non, c'est toi qui dois appuyer. J'ai pas d'idée. Faut t'aider. Ici, les joueurs s'effeuillaient dans l'indifférence générale. J'entends quelque chose, mais je sais pas quoi. Pourtant, j'ai un bon ouïe. J'ai un bon ouïe. Toi, t'en as un meilleur. Non. On a un ouïe. J'arrive pas à m'entendre avec les autres qui sont à peu près comme moi. Pourquoi je suis différente? Oui. Tu es différente. Chacun est différent. C'est ce qui fait toute la beauté. Oui, mais c'est ça. Est-ce que je suis bizarre? Est-ce que le fait que tu n'arrives pas à t'accorder avec les autres soit anormal, c'est cela que tu veux dire? Oui. Peut-être que tu cherches trop à plaire. N'écoute pas nécessairement ce que veulent les autres. Écoute ce que tu veux toi dans ton cœur. Écoute ce que ton cœur te dit. Écoute le chant des arbres, le bruit qui retentit dans la forêt. Écoute. écoute l'appel qui vient à toi. Et sois patiente. Ne renonce pas aux autres, mais surtout ne renonce pas à toi. Si pour l'instant, tu ne comptes pas parmi ceux qui t'entourent, les gens ce que tu es vraiment m'a conduit à renoncer à ma lâcheté. Dans ton innocence et ta recherche d'un regard bienveillant, ta volonté de voir se résoudre au-delà de la souffrance. Ce qui nous préoccupe, j'ai vu les graines et les germes de notre voyage. J'ai su renoncer à l'oubli qui avait enseveli mon cœur, aux ténèbres qui s'étaient répandues sur mon regard et dans le tien. Dans ton regard, le tien singulier qui se porte sur le monde, tu es celle que je veux à nouveau protéger, parce que tu veux toi-même nous protéger. Grâce à toi, nous trouverons ensemble le moyen de nous protéger de la venue des tueurs, des ouros, ou de ceux qui voudront nous nuire. M'accompagneras-tu? Merci. Et moi, et Simon aussi. Simon renonce. Bah non, je renonce pas moi, parce que j'ai attrapé le papillon. Si Simon renonçait à ses papillons et à ses distractions, il ne serait plus Simon. Si tu renonçais à ta gravité. C'est grave. C'est grave la gravité. D'autres. D'autres personnes pourraient trouver effectivement à apprécier la compagnie d'autres personnes, mais ce serait renoncer à ce que tu es vraiment. Tu as besoin de cette lutte contre toi-même, de ce don et dans ce don, tu t'accompliras. Moi, j'ai besoin que tu me guérisses, que tu me contraignes à dessiller le regard. Et si je vois que j'ai à mes côtés l'innocence de Simon, et ton exigence, j'aurai alors la force de renoncer. Ces renoncements qui n'en sont pas. Ça fait mal. Nous pourrions prendre la route, il y a de vieilles routes, oui. Les voies déchues. Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention au piège à homme. Ah, oui. Homme. Oui. Sherlock Holmes. J'ai laissé les autres manger comme les créatures de cimetière ou autre chose. Il faudrait surtout que nous n'ayons plus de pièges à hommes qui nous pourchassent ou d'ouros à nos trousses. Oui, mais c'est impossible. Comme il est impossible de dresser la nuit, et pourtant la femme sans ombre le fit. Oui, mais je me demande pourquoi elle ne le fait plus. C'est leur religion, ils n'abandonneront pas leur croyance. Ils n'abandonneront pas bonne elle. Abandonneront pas leur déesse. Accepterais-tu de m'accompagner jusqu'à la femme sans ombre pour qu'elle nous dise pourquoi elle ne dresse plus la nuit ou qu'elle t'enseigne cet art? Pourquoi moi? Pourquoi pas Simon? Et ta bouche en poisson. Lorsque je lui en ai parlé, il ne m'a pas écouté. Aussi, je me tourne vers toi en espérant que tu acceptes de m'accompagner sur ce chemin. Ce serait pas plus prudent de trouver une terre où il n'y aurait pas de danger. C'est pour cela, nous devons d'abord faire en sorte que... Mais cette terre-là est déjà condamnée, elle n'a plus d'espoir. Je ne suis pas convaincu qu'elle n'en ait plus. Justement, tu m'as dit que je pouvais, moi... me faire confiance. Et je me dis que toi, tu dois pouvoir faire ce qui ne se fait plus. Non, je ne peux pas. Tu renoncerais donc à dresser la nuit. Je ne serais pas capable. Même un papillon pourrait le faire. Et si nous y allions tous ensemble? Quoi? Vous parlez de quoi? Tu te préoccupais de ne pas laisser derrière nous Simon. Pouf, pouf. Et c'est trop dangereux pour lui, finalement, maintenant que je pense. Mais nous pourrions tous. Moi, je suis un explorateur. J'explore les endroits et je suis méga fort. Nous pourrions tous aller trouver la femme sans ombre. Ah, oh bah oui, la femme sans ombre. Attends, c'est qui la femme sans ombre? Qu'est-ce qu'il dit qu'elle va nous aider? Parce que jusqu'à présent, elle a veillé sur nous. Mais qu'est-ce que t'en sais? Parce que je l'ai vue dresser la nuit. C'est pourquoi je suis restée ici. Il ne suffit pas de voir. Il faut. Peut-être que c'est une illusion. Il suffit pas de voir. Il faut aussi avoir une grosse épée pour taper sur les méchants. Bah, nous pourrions aussi choisir de nous battre pied à pied contre les tueurs qu'on nous enverrait. Mais je doute que. Oui, ils kidnapperaient. Si c'est bien les autres qui les ont envoyés, ils kidnapperaient tous toutes les chimères et tueraient tous les humains. Je ne sais qui ils ont envoyé. Nous avons à choisir aussi si avec nous nous emporterons celui qui fut désigné président de l'Assemblée européenne. Nous allons pas le voir. Non. Le président. Nous pouvons lui poser la question, mais sa seule préoccupation, c'est de rejoindre son assemblée. Et aussi, ils croient tous qu'on porte des costumes. Ils pensent que votre mal est curable. Aussi. Que vous êtes atteint d'une maladie quelconque et que s'il revenait à la civilisation, il saurait guérir le mal dont tu souffres. Mais peut-être que si je les ai, c'est peut-être pour une bonne raison, finalement. Mais bon. T'as vu, je fais un dessin. Je préférais chercher un endroit où tout le monde serait en sécurité. Mais peut-être qu'elle le sait, elle. Pourrions lui demander. Il est étrange que je ne l'ai plus vu se livrer à son rituel depuis que les brumes matinales se sont intensifiées. Peut-être qu'elle s'est fait kidnapper. Yeah, mais toi, t'es super optimiste. Oui, je sais. Merci. Toi aussi. Non, mais où? Alors, ensemble, allons au cœur du bois, sans le président qui nous encombrerait. Bah, pourquoi pas, ça serait marrant. Ça nous ferait du divertissement. Du divertissement? Qu'est-ce que t'entends par là? Avec son assemblée, là. C'est vrai que c'est rigolo ce qu'il nous raconte. Des fois, moi, ça m'aide à m'endormir. Oui, mais... Ouais, mais on s'endormirait. C'est lui la cible. En le gardant près de nous. Bah, ça le protégerait. Lui, ouais, mais on se met super en danger. Oui, c'est vrai. Et nous mettrions en danger la femme sans ombre. Bah, si on fait passer quelqu'un d'autre pour le président. Mais qui? Il n'y a quasiment que des chimères, ça va être compliqué. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, le président n'a pas d'oreilles, ni de pattes, ni une queue. La seule personne, ni des crocs, d'ailleurs. Tu l'as dit, la seule personne parmi nous qui pourrait rester ici pour constituer un leurre, c'est moi. Non, il doit y avoir d'autres humains, c'est sûr. Tu n'es pas le seul et le président aussi. Oui, oh. Mais le seul qui ait sa signature ADN. Alors, je propose qu'il reste dans la tour tandis que nous irons rencontrer la dame sans ombre. Mais après, il serait en danger. Et alors? Il nous encombre. Oui, mais il est important. On ne dirait pas comme ça, mais il est important. Il est même très important. Pourquoi? Il a fait quoi? Alors, il est boudou. Si tu y tiens, qu'en pense Leslie. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait qu'elle approuve, mais... Bon. Bah, demande-lui. Et... Au pire, on demande au président lui-même. Et je pense que Leslie aussi va partir, de toute manière. Pourquoi pas, elle partirait avec le président. Tu penses qu'elle serait disposée à protéger le président elle seule? Bah, avec les autres, possible. Elle seule, ce serait compliqué. Nous pourrions protéger tous ensemble. Mais il faudrait tout d'abord nous assurer en premier lieu de la protection de la femme sans ombre, car nous devrons... Au pire, on laisse le président et c'est bon. Débat clos. C'est fini. On s'en va plus. On part chercher la femme sans ombre. Regarde le dessin que j'ai fait. Et on trouve une terre où personne ne pourrait nous retrouver. Là, c'est toi. Ça, le bonhomme. Et tous les petits grains, bah c'est nous. Pourquoi? Bah parce qu'on est dans son cœur. Bon, c'est bon, on y va. Nous rendons au cœur du bois. Nous avons une chaloupe et nous enfonçons à bord dans l'eau fangeuse qui noie les avances de la forêt, la grande forêt. Ici, la végétation est extrêmement dense. On n'aperçoit plus aucun reste du temps d'avant. On en oublierait même que nous sommes en 2077. Il n'y a plus ces mouches innombrables. Ces moucherons, ces moustiques. Parvenions au cœur du bois. Tu trouves sur la dernière sente qui nous mène. Un corbeau, elle est bizarre. Il est bizarre, un corbeau. Un oiseau mort. Il est mort. Mais pourquoi sa tête, elle a plus de plumes et son corps, il en a encore? C'est la décomposition, ça se fait pas tout. Corbeau. Moi, le corbeau. Tu vas pas dire que c'est toi. Encore. Ne crois-tu pas que... Non, pas la main. Je serais promis, toi qui as trouvé ce présage dans... le chemin que je nous proposais d'emprunter. Non, il faut que tu mettes là-dedans. Il faut que tu le reposes là. Il faut que je le repose dans la main. Oui, je le dans le truc. Tu fais ça que si tu l'ignores. Il faut que tu me dises en quoi ce ne serait pas un présage. C'est pas un présage. Je dis que c'est pas un présage néfaste pour toi parce que je me suis trompée. C'est pas un corbeau, c'est une pie. C'est une pie. Et si les pies, même les pies, celles qui nous aident à repérer les objets, meurent en nombre, cela signifie-t-il pas que le bois qui nous protège et nous abrite? Mais non, c'est un chat qui a. C'est un chat qui a joué avec. Ainsi, au cœur du bois, loin de. Bah voilà. Toutes les ruines, tous les restes. Bah oui. Un peu plus loin, dans le bois même, sur une plaque de boue sur laquelle nous glissons. C'est quoi ça? Un crâne de... On découvre les babines retour. C'est un gros ours. D'un gros ours? Oui, il a un des nôtres disparu. Dis-moi que ce n'est pas le bois dans lequel j'ai placé ma confiance qui enlève le vide de me protéger. Que tu me fais encore confiance, ne crains-tu pas comme Dimitri, notre ami de Grours, disparu à la dernière liaison? On nous retrouve un à un dans les gangs de boue. J'ai peur. Lâche-moi tout de suite, s'il te plaît. Je ne sais si je saurais te protéger. Longtemps. Ne dis pas ça. Il est trop jeune. Mais je ne pense pas qu'on va finir comme lui. On n'est pas alors, comme lui. Alors, qu'est-ce qui a emporté le Grours? Je l'ignore, mais. Ça ne doit pas finir comme lui. Et on ne finira pas. Tu me fais confiance. Je voudrais te faire confiance. Je veux te faire confiance car tu m'as redonné la femme sans ombre qui n'était plus que ses fleurs coupées à l'entrée de notre sanctuaire. Tu vas voir plein de graines, toi. Faut que je te donne des souffrances. Moi j'ai une toute petite. Attends, je vais changer parce qu'elle est trop petite. Et nous parvenons au cœur du bois où des silhouettes improbables flottent. J'ai peur. Ça se touche. Qui touche? Pas moi. Non, ne touche pas, touche pas. J'ai peur. Calme toi, t'es un loup, t'es censé être fort, courageux. Mais j'ai 5 ans. Puisons dans le courage des uns et des autres. Puisons dans notre optimisme. Peut-être que la femme sans ombre est parmi ces silhouettes. Bonjour madame, êtes-vous la femme sans ombre? Et comment savoir c'est laquelle ou lequel? Comment s'adresser à elle? J'ai tout oublié d'elle. Bah bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous depuis le temps? Non, non. Ça va? Ça va mieux? C'est toi qui leur parle. Non, non, c'est pas toi. C'est qui leur parle? La plante. C'est moi. Non, non, toi, t'es trop jeune. La plante, parle-lui. Vas-y, peut-être qu'elle aura pitié des enfants. Allez. Monsieur ou madame, je suis un pauvre enfant, ne m'attaquez pas. Je voulais juste savoir si vous allez bien. Arrête, lâche-moi. D'accord. Non, le bras. Mais il va falloir 36 minutes. C'est enfant. Vous êtes les rejetons du bois, vous l'avez oublié. Ah bon? Non, moi j'ai pas oublié, j'ai dormi dans une cabane. Il faut que vous dormiez à nouveau dans vos cabanes. Oui, mais c'est trop dangereux. Maintenant, il y a les méchants robots qui mettent dans leur caisse et ils veulent nous kidnapper. Ils veulent faire vous enlever combats. À moi, oui. Et on va faire des combats, on va faire... Ouais. Du karaté. Non, non, pas du karaté. On va vendre, non, on va cultiver des choses, on va faire les tâches ménagères. Je suis trop grande pour passer dans une maison. Dans un enclos. Oui. Comment pourrions-nous ensemble échapper à leur avidité? Je ne sais pas. Je sais, on va fabriquer des épées, on va... Ya, boum, boum. Ils vont me capturer tu avant. Tu veux la guerre, jeune non, enfant? Non, c'est comme les explorateurs. À la guerre, il est des pertes. Et j'ai déjà perdu beaucoup trop des miens. Je ne peux pas vous voir disparaître. Mais c'est qui les autres silhouettes? Ce sont mes sœurs. Ah, bonjour les sœurs de madame. Tout le conclave, toute la sylve est à votre écoute. Est-ce qu'il y aurait une terre où les ours ne pourraient pas venir, ou toute forme de danger? Ils sont venus jusqu'ici, mais si vous renouez avec les voies anciennes, si vous renouez le serment, peut-être. C'est quoi le serment? Si vous renouez votre serment avec les nôtres. Mais on l'a déjà avec vous. Si vous acceptez l'eau pure je et pas la souillure de la ruche, J'accepte. Si vous renoncez... Oui, on va se faire capturer plus facilement. Aux oripeaux. Non, mais pas la jambe. Si vous acceptez de renoncer aux oripeaux de la ruche... Oripeaux. Tout ce que la ruche a placé en vous... Et que va devenir... Une branche à accrocher ton bonnet. Oui. Et ton bonnet reste accroché dans la branche. Je vais le revoir. Renonce. C'est mon bonnet. À tes oripeaux, c'est ton bonnet. Mais à quoi te servirait ton bonnet s'il n'y avait pas d'ouros pour venir contempler tes doigts? Tant pis pour me venir me capturer. Pour cela, il faut qu'il vous trouve. Comment vous trouve-t-il? Mais ça serait lâche. Comme, pourquoi sont-ils venus jusqu'à nous? Pour nous capturer. Parce qu'ils veulent éliminer la souillure que vous êtes. Parce qu'ils veulent... protéger leur ruche de la menace que vous représentez. On n'est pas une menace. Eux, ils le croient, c'est ça? Si vous restez dans le conclave, alors nous grandirons ensemble. Mais les autres? Quels autres? Bah, les autres chimères. Tu vois, les cieux, Camille. Coucou Simon. Qui donne la main, la main aux arbres, tout comme vous. Non, c'est une illusion, c'est faux. C'est faux. Juste, je préfère qu'il y ait un brin au moins. Mais... Non, mais pas deux. Ça, c'est ce que t'as dit, la Sylve. Et là, c'est le corbeau qui te parle. Oh, j'en ai tout. Tu m'as dit de croire en nous, de croire en notre communauté. Oui, mais c'est pas eux. Ce n'est pas eux, mais avec eux, nous irons de l'avant. Il faut protéger le bois, car c'est dans le bois que nous trouverons le salut. Nous trouverons, avec l'aide de la Sylve, le chemin vers la forêt aux chimères. Quel petit oiseau, un oiseau. Celui qui échappe à la menace des ouros. Nous trouverons. On a dit la même chose qu'on avait trouvé le trompeur. Moi je dis, faut faire ce que disent les silhouettes. Pourquoi? Les alouettes. Parce que. Ils ont l'air gentils. Mais tu connais Simon, il donnerait jamais la main en arbre. Bah si, Simon il donne les mains aux arbres, enfin ça dépend. Lequel? Oui, mais. Moi, pas n'importe qui. Simon il se dit. Actuellement, il manque, donc ça, le chiffre, c'est 5. Nous avons, moi j'ai 4 grains de riz. Et il faut obtenir 9. Et plus nous 2, ça fait 7, non? Voilà, il y en a 3, 4 et 3, 7. 7? Oui. 4 et 3, ou 3? 1, 2, 3, 7. Pour l'instant, nous avons 7. Donc il nous manque des éléments pour... Du coup, il ne faut pas accepter, sinon il nous manque... Si, parce que ça permettrait accepter ou tempérer, en tout cas, trouver... Je sais, on va faire les autres trucs. Moi, je renoue le pacte. Hop. Les pactes, c'est jamais bon. J'aime bien les pactes, moi. Ouais. Surtout les pactes de Pokémon. Mais ça, il n'y en a plus. Là, c'est, cette main, c'est la, la main de corbeau. Si tu écoutes la voix facile, tu sentiras en ton cœur naître un sauvageon nouveau. L'un de ces arbres, l'un de ces rejets délaissés, mais qui là prendra racine en toi. Il viendra en aide et t'aidera à devenir pleinement la chimère que tu dois être. Mais il est deux autres, tu les as oubliés? Les deux. Juste les deux cadavres qu'on a vus au début? Je me méfie, j'ai le droit. Oh, on va être riche. Si j'accepte tout, on est riche. Enfant. Je vais faire tout énorme. Jeune chimère. Si tu te lis à la sylve te donnera sa sève. Ceux que tu as vus, ce sont ceux de nos frères tombés dans les prémices de la guerre contre les Ouros. La guerre commence, patatras! Attention, méga épée! Mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Eh, hey, fais attention, mon vilain méchant! Top méfiance. Personne n'a jamais été aussi méfiant de nous. Oh non. C'est quoi ça? Tu vois des volutes de brume. Tu te tiens à l'entrée de la maison du corbeau. Tu as une brassée de fleurs jaunes des colchiques que tu as cueillies le matin même. Tu viens les déposer dans le vase, un jour comme un autre. Et tout soudain, la terre semble avoir bu toutes les couleurs. T'es fichée. La vitalité des fleurs s'est réfugiée dans la boue. Et tu vois des silhouettes qui s'assemblent derrière le talus. Ils viennent de démonter, ils ont quitté leurs chevaux qui renâclent inquiets. Se saisissent d'armes et s'avancent d'un pas décidé vers la maison. Tu vois sortir sur le seuil Corbeau qui a juste ses lunettes, et toi, les nettoie, l'air distrait, et regarde les fleurs. À côté, il y a le molosse qui dit « Hein, t'as vu? Je t'ai ramené des fleurs, j'y ai pensé aujourd'hui, et j'ai même pris un papy !» Et à ce moment-là, t'entends une détonation, et tu vois une balle frappait son front et s'écroule. Puis c'est au tour du corbeau qui tourne sur lui-même dans le même bruit de détonation. Tu vois les lunettes tomber dans la boue devant. Bonjour, déjà. Tu vois, ma fille, tu as vu ce que les ouros feront lorsqu'ils arriveront ici. Non, ils font pas ça. Comment protège-tu les tiens? Il faut que vous quittiez la tour du corbeau. Non, c'est bon. Bah, je ne sauterai pas, je veux plus, tu sais. Ah, la négociation. Mes oros... Il ne tuerait pas. C'est bon. Ce serait du gâchis. Tu les entends à nouveau. Oh, mais purée. C'est ça, va corriger. Tu les entends à nouveau. Il faut nous débarrasser de la lie de ce monde. C'est eux qui nous contaminent. Ils vont répandre le virus. Le corona. Non. C'est des ours. Il les tue. Eh ben, ils nous ont déclaré la guerre. Alors on leur... Mais c'est qu'une illusion. Alors on leur déclare la guerre aussi. C'est qu'une illusion. Tu préfères écouter les... illusions, comme tu dis, plutôt que me faire prisonnier ou me faire compiler. Ils te tueraient pas, je te dis. Ils ont revêtu leurs armes de guerre, ils ont pris tous les symboles de leur clan et sont partis à la guerre contre la souillure qui entache le Wonderland et qui menace la ruche. Car dans la ruche, le nombre de métèques augmente. Oui. Les maltronches oui. deviennent oui. légion. Tu les crois en plus. La fondation Cromwell les a mandatés pour nettoyer le Wonderland. Ils pourront choisir les créatures les plus intéressantes et obtiendront le meilleur prix de l'Institut. Au pire, nous avons une solution de repli. De toute manière. Quelle solution de repli? Dans le combat, on se replie jamais. Enfin, je crois que c'était comme ça qu'il disait le super-héros dans ma série. Encore, mais non. Non, mais là, vous êtes en train de détruire. Tu l'as dit à la cible. À quoi bon lutter? À quoi bon se dérober à une menace ou une autre si nous n'obtenons pas un refuge, un havre vers lequel nous rendre? Mais pour obtenir ce refuge, il faudrait que vous soyez, comme moi, invisible au piège homme. Bah, je veux être invisible. serait là. C'est bon, tu me vois plus. Personne ne me voit. Regarde au pied de la vénérable. Cette bille de métal, d'aluminium, frappée de cyrilloque. C'est un satellite. Si Leslie et Camille nous aident, si et aussi Simon, et Simon, et Simon. Je crois que j'ai rajouté un Simon. Nous pourrons effacer le bois de la carte. Il nous faut envoyer. Il nous faut envoyer. Renvoyer dans le ciel. Luna. Qui gît au pied de la vénérable. Mes bras, ils ont été coupés. C'est plus et là, nous mettrons un point aveugle dans le regard de la ruche. Jamais plus nous ne trouverons Illyrion. Ils ont disparu. Maman, c'est à vous deux. Mon père fait pas confiance. Je suis cachée. Allez, viens. Je suis cachée. Je te parle. Quoi? Moi, je leur fais pas confiance. Bah, je suis pas là. Allez, viens. T'es pas invisible comme eux. Bah, moi, je suis dans mon t-shirt trop belle. Le corbeau s'est emparé de la boule de métal. Tu vas pas faire ce qu'ils ont dit. Si nous envoyons Luna, on peut effacer vos traces. Oui, nous effacer tout court, quoi. Non, effacer tes traces. Faire en sorte qu'il n'ait plus de relais, qu'il ne puisse plus vous trouver. Ils que les pièges hommes... Toujours. C'est impossible qu'ils ne nous trouvent plus. Et non, ils ont besoin de ces relais. Si nous semons la pagaille dans leur satellite et que nous traçons un point noir sur la carte qui les aveugle, alors tant que nous resterons dans ce point noir, nous serons saufs. Mais il sera où le point noir? Dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'installations. Où nous pourrons subsister, il faut qu'il y ait de l'eau, le bois, et même si je vous ferai de des papillons. Et des papillons. Même si je vous ai confiance, Leslie ne le ferait pas. Je suis une tortue. Donc ça ne fonctionnerait pas. Tortue, tortue. Arrête. Un 4 ici. Pourquoi? Leslie. Leslie. Les autres se décident à ce que je leur indique. Pourtant, c'est à les entendre que je viens de voir la solution. Nous pourrions naviguer avec des automodules jusqu'au haut des montagnes, franchir le col, et alors, dans un repli de la montagne, au cœur de la forêt, nous pourrions ménager un havre pour toutes les chimères, quelles qu'elles fussent. Ce serait la forêt des chimères. Tout à fait. Forêt loin des de chimères. Tous, nous n'avons que ce long chemin à parcourir. Il y aura des cacahuètes. Il faut que tu veuilles, toi, m'aider. Moi seul, je ne pourrais pas mener le run. Est-ce qu'il y aura des cacahuètes? Pas autant que toi. Je ne suis rien, moi. dedans, il y a toute la lumière noire. Et dedans de toi, toute cette lumière noire qui peut rejaillir dans leur réseau et saturer et me permettre de lancer Luna et de modifier quelques lignes pour dire que tout à coup, ceci n'existe plus. Un point noir sur leur carte. Un refuge point vide. Je me suis promis de ne pas recommencer. Pourquoi tu lis ? Tu lis quoi ? Je me suis promis de ne pas recommencer et je ne recommencerai pas. Mais qu'est-ce que tu lisais ? Je sais. Camille. Pas Camille. C'est moi. Camille. Je vais pas me faire moi-même. Ah. Tu vas te le faire à ton Camille. Si tu veux, hein. Ça me dérange pas, mais c'est. C'est un peu ridicule. Je veux bien le faire. Non, fais-le. J'accepte d'être. Je vais essayer. Camille, si tu écoutes le chant de la pieuvre et m'aides à mettre en orbite ce vieux satellite, alors sur la carte qui fait référence dans tout le monde connu, y compris pour l'Institut, on peut faire disparaître une zone, une toute petite zone. Et cette zone deviendra pour nous un havre. Personne ne la connaîtra, sauf ceux qui y résident. Il nous faudra juste nous accorder avec les gens qui sont restés en un autre temps. Mais il y aura quand même des pertes pour ceux qui sont à l'extérieur. Il faudra que... Mais il y aura sûrement des petits malins qui voudront sortir. Ou en cas de besoin réel. Il faudra que nous formions ensemble et que nous convainquions vos pères. Il faudra qu'ensemble, vous soyez des chimères pour conquérir votre royaume. Pour l'instant, vous êtes errants, des bêtes de foire, des proies. Vous pourriez être dans votre domaine, loin de tous, oublié de tous. C'est quoi là ? Pas de philosophe là. Il te suffit d'accepter de m'aider à porter Luna. Ensuite, j'accepte. Nous serons les pionniers. Nous irons dans des automodules. Nous irons dans nos automodules aux frontières du Wanderland. Gagnerons les hauteurs et franchirons les pôles. Méduse. Manger une méduse. Je t'accepte. Il me donnera une raison. J'en ai pas. Enfin, peut-être. Axel, elle a peut-être une raison. Peut-être. Mais bon. Mais elle est très faible. Donc c'est pour ça. Nous quittons la femme sans ombre, sans que tu en sois convaincu. Je pourrais peut-être. Que faudrait-il pour que tu en sois ? Car je ne pourrais me résoudre à quitter le Wanderland sans toi. J'aurais failli à mon rôle de gardien. Tu es un cœur. Même si je voulais, on pourrait pas. Leslie ne veut pas. Elle pourra toujours rejoindre le bois aux chimères une fois que nous y serons et que nous aurons ménagé. Oui, mais elle sera un élément clé pour avoir 100% de réussite. Elle sera un élément clé pour avoir 100% de réussite. Et toi, qui lis aussi bien dans le cœur des autres, ne saurais-tu convaincre Leslie d'épouser notre cause? Ce serait un lieu où elle n'aurait plus à... Elle ne pourrait pas rester. Mais elle pourrait revenir quand elle en aurait besoin. Ça m'étonnerait. Tu peux... Est-ce que je parle... Est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'elle doit faire, s'il te plaît? Juste nous apporter un peu de sa... lumière noire pour initier le run. Il y en a besoin de combien? Enfin, d'à peu près quelle quantité? Tu le saurais? Ce n'est pas une science, c'est un prodige. Je ne suis, comme tu l'as dit, pas une chimère comme vous. Je ne saurais mesurer ce qu'il en coûterait, malheureusement, à notre ami Leslie. Mais de ce que je sais qu'elle a déjà fait, elle serait clairement capable, mais sans courir un moindre risque, je le sens. Mais elle se... C'est pas elle qui se risque. Alors... Oui, oui, mais... C'est Camille qui va mener le run et moi-même. Êtes-vous sûr? Oui. Mais du coup, pourquoi avez-vous besoin d'elle? Parce que... elle a un empire sur l'énergie noire et qu'elle pourra établir la liaison. Nous n'avons pas de centrale à notre disposition. Il faudra qu'elle aille voir une personne qu'elle n'apprécie pas trop. Enfin, apprécie pas trop. Ça ne serait pas la dernière fois, la dernière qu'elle l'apprécie. Et qui devrait elle voir? Une personne qu'elle m'a dit qu'elle serait importante, mais je n'en sais pas plus. Leslie? Oui. Accepterais-tu de nous aider? Je me suis fait une promesse à moi-même. Et tu veux jouer avec moi? Ce que pas je te demande, Leslie, je présente le... Luna, c'est simplement de laisser serre le fort et tu initieras le run, puis relâche-le et tu verras Luna s'élever dans les cieux et avec lui l'espoir pour les chimères de trouver un havre. Et pas moi, je suis le méga épais et je suis le plus fort. Sous cette forme, je n'aurai pas assez d'énergie. Et si je fais ce que j'ai fait il y a quelques années, si tu auras suffisamment d'énergie sous cette forme, car tu n'es pas seul, nous sommes tous avec toi. Coucou Poucou Pouvert. Mais j'ai bien peur que ça ne suffira pas. Vous êtes avec elle, moi je suis... D'une main, tiens Luna. De l'autre, tiens la mienne. De l'autre, tiens pas la mienne. Moi je dors. Et oh tous, nous faisons cercle et nous nous tenons auprès de la sylve et du conclave. La sylve sera avec nous. La sylve participera à elle aussi. Car nous ménagerons pour elle aussi un royaume. Oui, mais vous n'aurez pas assez de lumière noire également. Peut-être assez d'énergie, mais pas assez de lumière noire. Bah si, il suffit de pleurer. Non, pas forcément. Alors prends-la ici. Non. Si. Non. Si. Non. J'ai un autre endroit. Si tu veux, je pleure. Non. J'en ai pas besoin. Non, pas besoin. Non, il y en aura pas assez. Je sais comment pleurer énormément. Taper ton orteil contre un coin. Non, je sais. Si tu ne veux pas la prendre en moi, prends-la dans le président. Non, non plus. Je sais où aller la chercher, mais... Ça m'étonnerait que j'y arrive. Et même... Non. Il faudrait que je refasse ce que j'ai fait il y a longtemps. Pouvons-nous t'aider ? J'ai des larmes. Et j'ai des larmes. Je y arriverai, mais... Tiens, des larmes. Non. Relève mes yeux dans tes yeux. D'accord. Ah, j'en ai plus dans l'autre. Du coup, c'est juste que je ne voulais pas recommencer, mais s'il n'y a pas le choix, si ça peut aider les gens, tant mieux. Je le referai. Tu le referas. Ouais. On va avoir un havre. Ouais. Un quoi? Un havre. Oui. Un havre. Un navet. Et on fera pousser des navets. Ça venait ici. Donc tu acceptes? Oui. Alors vous acceptez en fait. Alors combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 moins 1. 7 moins 1, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui était pour la guerre. Donc, 7 moins 1. 1 pour la guerre? Ah oui. Et toi? Voilà, 6. Et moi, j'ai un truc aussi. Et où le mien? Il est parti. Ah, moi, je suis là. Je reprends. Elle est là. Hop. Et lui. Bon, là, je pense qu'on a assez.